Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les Justes, ces hommes et ces femmes qui ont prêté secours aux Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. À ceux qui s'interrogent sur ce que c'est d'être français, à ceux qui s'interrogent sur ce que sont les valeurs universelles de la France, vous, les Justes, avez apporté la plus magnifique des réponses au moment le plus noir de notre histoire. Le président français Jacques Chirac, le 18 janvier 2007, jour où la France a officiellement reconnu le rôle et l'importance des Justes en leur faisant une place au Panthéon, aux côtés de ces grands hommes auxquels la patrie est reconnaissante, pour reprendre et paraphraser la devise inscrite sur le fronton du Panthéon. La France compterait autour de 2800 Justes reconnus et des milliers d'autres restés anonymes. Dans le monde entier, près de 25 000 Justes parmi les nations auraient été officiellement honorés à ce jour. Ce sont des hommes, des femmes qui sont pas des saints, hein, ça veut dire sont pas des gens qui ont transformé les biens à un métier. Ils sont comme nous, parfois ils sont pas très corrects, parfois peut-être ils sont même injustes. Mais quand il s'agit d'un choix définitif, quand ils passent devant une rivière, ils entendent quelqu'un crier au secours, un homme qui se noie, ils plongent. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne vont pas chercher des sapeurs-pompiers ou la police. C'est eux qui plongent. Ils ne demandent pas au noyé s'il est bon, il est gentil, s'il est noir, s'il est blanc, s'il est arabe, s'il est juif. Donc, ces gestes si naturels font qu'ils sont insaisissables. Quand on leur pose la question « Pourquoi ?», ils ne savent pas quoi répondre. Ils disent « Parce que ». Et quand je leur dis « Vous avez quand même risqué votre vie pour sauver d'autres vies », ils me regardent un peu étonnés, surpris par ma question. Ils disent « Mais c'est normal ». Et d'un seul coup, on se sent un peu mal à l'aise. Et on se demande « C'est quoi être normal ?» L'écrivain juif Marek Alter, qui parle des Justes, à qui il a consacré un documentaire en 1993, extrait de l'émission Dimanche Magazine du 22 octobre 1995, pour nous raconter l'histoire des Justes, je reçois la journaliste et documentariste Katia Chapoutier, correspondante régulière à notre radio à Paris. Katia Chapoutier, bonjour. Bonjour. Katia, vous avez consacré un documentaire, on y reviendra plus tard dans l'émission, mais documentaire radiophonique racontant l'histoire de votre grand-père, Hans Ulmer, qui s'intitule « L'Allemand qui aidait les Juifs ». Votre grand-père qui, on le verra un peu plus tard, mais était peut-être lui-même un Juste. Mais d'abord, parlez-nous des Justes. Dites-nous qui sont-ils, de quoi parle-t-on quand on parle de ces Justes parmi les nations? Juste parmi les nations, l'expression remonte à 1953, elle est tirée du Talmud. Et en fait, c'est la Knesset qui, en même temps qu'elle fondait le mémorial Yad Vashem consacré aux victimes de la Shoah, a décidé qu'il fallait une reconnaissance pour les gens qui avaient sauvé des Juifs. Comme vous le disiez, on parle de 24 355 justes parmi les nations qui sont divisées en 46 pays qui ont été honorés, prioritairement la Pologne, les Pays-Bas, la France. Et ce qui est intéressant, quand on se penche un peu sur ces gens-là, c'est qu'effectivement, c'est juste, c'est des gens comme vous et moi. Il y a quand même trois types de métiers qui ressortent. C'est parce que c'était ceux qui étaient le plus en contact avec les Juifs. Les ecclésiastiques, énormément de Juifs se sont retournés vers les membres du clergé pour être aidés. Malheureusement, on ne pouvait pas les baptiser, ce n'était pas suffisant pour les protéger, mais une partie des ecclésiastiques s'est sentie très concernée. Les fonctionnaires de police et des administrations municipales, puisqu'ils étaient évidemment en prise directe, et certains d'entre eux décidaient de contourner la loi pour aider les Juifs. Et enfin, les diplomates, qui pouvaient très facilement délivrer des visas, qui évidemment changeaient une vie. Oui. Ça, ce sont les gens vraiment qui pouvaient directement agir, intervenir. Mais il y aura tous ceux et celles qui, monsieur et madame tout le monde, qui prêteront secours aux Juifs d'une manière ou d'une autre également, en cachant un Juif, en cachant le secret entourant le lieu où se réfugie une famille juive, par exemple. Il y a ça aussi. Aussi simplement qu'un fermier, par exemple, qui va cacher dans sa grange un juif, ou qui va lui apporter à manger, ou qui va le faire participer à la vie de la ferme. Et dans ces héros du quotidien, ce qui est assez fascinant, c'est que certains ont eu des idées absolument fantastiques, tout bêtement, comme cette fermière qui, en France, avait décidé de mettre de l'essence autour de sa ferme pour dérouter, en fait, les chiens de la Gestapo. Alors, dans tous ces gens qui pouvaient potentiellement être justes, c'est pas eux qui sont allés voir Yad Vashem en disant voilà, je suis un héros. Évidemment, c'est des gens qui ont été sauvés, qui ont témoigné. C'est des gens de l'entourage qui ont témoigné. Et en fait, il y a trois conditions qui ont été retenues pour être reconnues comme justes. Donc, le fait d'avoir apporté une aide dans des situations où les Juifs étaient impuissants et menacés de mort ou de déportation. Le fait d'avoir été conscient qu'en apportant cette aide, le sauveteur risquait sa vie, sa sécurité ou sa liberté personnelle, puisque évidemment les nazis considéraient l'assistance aux juifs comme un crime, et évidemment le fait de n'avoir recherché aucune récompense ou compensation matérielle, parce qu'il ne faut pas oublier que certains voulaient bien aider, mais d'autres fermiers par exemple, il leur est arrivé d'aider un juif, mais c'était aussi pour l'utiliser à des fins, on va dire, de main-d'œuvre gratuite. Oui. Donc l'État d'Israël, en créant ce titre de reconnaissance, veut poser un geste important symboliquement, mais je souligne ça en fait parce que Katia Chapoutier, beaucoup d'entre eux, de ces justes, ne sont pas connus, restent inconnus. Est-ce qu'il y a parmi les justes des justes dont on a connu l'existence, des justes célèbres finalement? Alors, je dirais qu'il y a un presque juste qui a été très célèbre et qui a raté la marche cette année, en quelque sorte, après 3 ans d'enquête. Hermann Göring, nazi notoire, eh bien, il avait un frère cadet, Albert, qui était anti-nazi farouche. Et il a œuvré pour sauver visiblement de nombreux juifs de l'Holocauste. Il a aidé des gens à fuir le pays. Il a même utilisé ses connexions familiales pour faire sortir des gens des camps de concentration ou même brouiller un peu les informations auprès de la Gestapo. Alors, on pensait il y a 3 ans qu'il allait être reconnu comme juste. Finalement, le mémorial de Yad Vashem ne l'a pas reconnu comme juste, tout simplement parce qu'il n'y avait pas suffisamment de ce qu'on appelle de preuves primaires, c'est-à-dire d'informations primaires, mais plus des « on raconte que ». Ouais. Et là-dessus, Yad Vashem est extrêmement précis. Mais c'est quand même inouï qu'il ait pu être juste, que son dossier a été présenté au Yad Vashem, considérant, le rappel, c'est le frère de Göring. Göring, c'est l'un des 2 ou 3 hommes qui sont tout à côté d'Hitler dans cette entreprise. Et qui se suicide à la fin, d'ailleurs. Ouais. Hermann Göring se suicide à la fin, et de son côté, Albert Göring a eu une fin de guerre et une suite de guerre assez compliquée, parce que finalement, ces gens-là étaient un peu entre deux. Donc oui, c'est un très beau, une très belle histoire. Ouais. Il y a une autre histoire qui est encore assez peu connue. Ce serait peut-être l'objet d'une émission, d'ailleurs, à faire avec vous. Parlez-moi de Maria von Maltzahn. Alors, j'adore cette femme. D'ailleurs, qui a un physique une belle femme, quoi. Vraiment une figure. Son frère était SS à Berlin. Elle était comtesse. Et très tôt, elle a été au courant des persécutions. Et ça la rendait malade. Et elle a décidé de faire fabriquer des faux papiers, des faux visas, des fausses cartes de rationnement. Et elle a même caché chez elle un auteur, Hans Hirschel, qui était juif, et pour lequel elle avait creusé une espèce de galerie dans son sofa pour le cacher quand la Gestapo venait, parce que la Gestapo avait des doutes. Et quand la Gestapo arrivait, elle avait cette attitude très aristocratique et désinvolte qui permettait finalement de tromper les officiels. Elle est naturellement, finalement, la promiscuité aidant, tombée amoureuse de cet auteur. Ils ont fait un enfant ensemble pendant la guerre. L'enfant est tombé malade. Elle l'a amené à l'hôpital. L'enfant a été victime d'un bombardement. Bref, pendant la guerre, elle a quand même sauvé plus d'une trentaine de juifs. Mais à la sortie de la guerre, pareil, comme le frère de Göring, ça n'a pas été simple pour elle. Elle était vétérinaire, elle a eu du mal à travailler, au point que dans les années 70, elle s'est retrouvée vétérinaire bénévole à soigner les chiens des punks, pour vous dire. Incroyable. Et donc, cette femme a fini par écrire une autobiographie avant de décéder. Et c'est suite à cette autobiographie que Yad Vashem a fait des recherches et donc lui a décerné le titre de juste. Mais c'est intéressant parce que ça nous montre que même dans l'entourage des nazis, il y a des justes. C'est donc dire, Katia Chapoutier, y en a-t-il beaucoup, mais j'allais dire, il y a des justes en Allemagne. Oui, alors c'est peut-être pas l'endroit où il y en avait le plus, parce que je pense que les gens étaient très très au fait du danger qu'ils encouraient, mais effectivement, il y en a, et il suffit de regarder le film Le Pianiste pour voir que le juste a toutes les formes possibles. Il y a des populations qui, je dirais, sont justes ensemble, c'est-à-dire qu'il y a une vraie coordination entre les personnes pour aider les Juifs, une forme de résistance. On l'a vu en France d'ailleurs dans certaines régions où c'était tout un village, comme à Diolfi dans la Drôme, où tout le monde s'organisait. Et puis parfois, il y a une personne, un Allemand même dans l'armée, qui à un moment a un éclair d'humanité et se dit qu'il ne peut pas laisser la personne dans la situation où elle est. Venons-en à votre documentaire, Katia Chapoutier, « L'homme qui aidait les Allemands ». Mon père, il était avocat. Et après son premier examen, il fallait faire 3 ans de stage dans une étude. Et il était tombé dans une étude juive. Et quand il a fait son deuxième examen, après, cet avocat juif lui a offert de rentrer dans l'étude. Et en 1937, mon père était appelé à Berlin. Et on lui a dit, vous êtes le dernier avocat allemand d'être encore une étude juive. Ou vous cessez ça immédiatement, ou alors on vous emprisonne tout de suite à Berlin. Et votre famille aura des gros, gros problèmes. C'était en été 37. Mon père sentait que la guerre allait pas tarder. Et puis finalement, d'un commun accord, ils avaient fermé l'étude. Et ce juif, cet avocat juif, avait disparu. On n'a jamais su où il était, mais il n'existait plus. Et on reviendra sur cet associé juif qu'on retrouvera, l'associé juif de votre grand-père, Katia Chapoutier, qu'on retrouvera après la guerre en 1945. C'est votre mère qu'on entendait dans cet extrait parler de votre grand-père, Hans Hulmer, l'Allemand qui aidait les Juifs. Parlez-nous de lui d'abord. Qui était-il, cet homme? Alors, c'était un homme assez étonnant. C'était un francophile invétéré. Il adorait la littérature française, il adorait l'art. Et c'était un humaniste, un homme très droit et qui a été très perturbé par... La tournure qu'a pris les choses petit à petit. Étant avocat pendant la guerre, il s'est retrouvé juge, mais dans l'armée, donc évidemment pas auprès des SS, mais de l'armée allemande, tout simplement. Et puis, à la fin de la guerre, quand les choses ont repris un ordre un peu plus normal, il a décidé d'œuvrer avec son associé à la restitution des biens juifs, et il y a consacré toute sa vie. Ouais. Et ça, c'est un chantier, on n'a pas idée, mais gigantesque. Parlez-nous un peu de l'ampleur qu'a eu, et ce que ça voulait dire très concrètement, cette dépossession, cette spoliation des juifs avant et pendant la guerre. Au début des années 30, l'Allemagne a tout simplement décidé de faire disparaître les Juifs de l'économie. Alors, ils ont commencé par les exclure de la fonction publique, de pas mal de métiers. On a assisté à un boycott des commerces juifs. Et donc, voilà, tout simplement l'idée de les rayer de l'économie allemande. On a alors parlé d'aryanisation de l'économie. Une entreprise juive, c'était quoi? C'était soit un propriétaire juif, soit s'il y avait un groupe de propriétaires, il suffisait qu'il y ait un juif. Une fois qu'on avait reconnu que l'entreprise était juive, alors on commençait par afficher le fait entreprise juive, c'était obligatoire. Puis on nommait un administrateur provisoire et ensuite on décidait de la vente ou de la liquidation. On confisquait les stocks et peu à peu on a interdit à ces gens d'être artisans, d'être commerçants, tous les métiers leur étaient peu à peu fermés. Alors, certains décidaient de partir à l'étranger, mais imaginez-vous, en 1934, quand on part à l'étranger et qu'on est juif, on voit 65% de ses biens qui sont confisqués. Ouais. Et puis en 1939, ça sera 96% de ses biens. Donc vous partez, vous n'avez plus rien. Et des maisons, par exemple, des biens, mais des maisons qui sont remises sur le marché à faible prix que des Allemands achèteront. C'est ça aussi, cette spoliation. C'est absolument tout. C'est des tableaux, des stocks d'entreprises, c'est des meubles, c'est des vêtements, c'est absolument tout. Et encore une fois, je reviens au pianiste parce que ce film est exemplaire. On voit cet étau qui se resserre, qui se resserre, qui se resserre. Donc, au-delà du fait qu'on appauvrit totalement les gens, c'est qu'on leur enlève toute place dans la société. Et si vous n'avez plus de métier et plus de moyens, eh bien, vous n'avez plus de communication avec les autres membres de votre communauté. Et donc, c'est toute une identité qu'on est en train d'effacer. Ouais. Et en plus, pour donc tout cet argent se retourne vers l'Allemagne et les efforts de guerre, etc. Mais on ne veut pas que cette population pauvre coûtent de l'argent. Donc, on va jusqu'à les taxer pour les transporter vers les prisons et vers les endroits les plus funestes. Votre grand-père, donc, va à la fin de la guerre. Il perd de vue son associé. Il décide d'obtempérer. Il ferme d'un commun accord leur cabinet en 37. On n'a plus de nouvelles. L'associé de votre grand-père jusqu'en 45. Il le retrouve en 45. Et donc, ensemble, ils reprennent les affaires et s'attaquent à ce travail de restitution. D'où le titre de votre film. Là, ça, c'est clairement le travail que fera votre grand-père avec son associé, cet Allemand qui aide les Juifs. On écoute votre mère décrire un peu ce que ça a voulu dire, ce travail de restitution de votre grand-père et de son associé juif. Pour eux, c'était normal de repartir ensemble. Et c'était très dur parce qu'il fallait, pour les gens qui avaient tout perdu, surtout les Juifs, il fallait pouvoir prouver ce qu'ils avaient perdu, la valeur. En plus, au début, les lois étaient limitées aux personnes qui étaient de nationalité allemande et qui habitaient le sol de l'Allemagne fédérale. Et la zone soviétique était exclue. Les communistes avaient déclaré que les Juifs, après tout, c'était des capitalistes et ils n'avaient pas à recevoir un dédommagement. Tout ça, c'était des sommes énormes qui était rendu, et pourtant, pour la personne, c'était très peu. Et mon père, je me rappelle encore souvent, il disait, mais ces pauvres gens, ce qu'ils touchent, c'est vraiment minimal. Par exemple, pour un jour de camp de concentration ou de prison, on leur payait 5 marques. C'est pas grand-chose. Hein. C'est pas grand-chose. Et je me rappelle, mon père, ça le révoltait. Alors, que fera concrètement Katia Chapoutier, votre grand-père, sur cette question de la restitution? Alors, en fait, toute leur étude, son associé s'appelait Otto Ostertag et mon grand-père, donc Hans Kulmer, toute leur étude, finalement, n'a tourné quasiment qu'avec ça. Et c'était un travail, comme elle le dit, de titan. Parce qu'il fallait fournir un maximum de preuves, mais ces gens n'avaient plus rien. Quelles preuves pouvait-on avoir? Il fallait trouver des gens qui fassent des attestations. Enfin, c'était vraiment chercher comme une aiguille dans une botte de foin, tout ce qui était possible de montrer. Avec un climat qui est encore tendu, c'est l'après-guerre. Beaucoup d'Allemands sont contre cette démarche de restitution. Alors, difficile de savoir combien étaient contre, mais effectivement, ce que expliquait ma mère assez bien, c'est à un moment, c'est que, finalement, les Allemands s'estimaient victimes aussi du régime, donc ils estimaient que eux avaient besoin de retour aussi. Ouais. Et il y a cette phrase de l'époque qui est assez étonnante où on dit les Allemands qui ont bénéficié de la spoliation des biens juifs, ceux qui ont souhaité rendre spontanément, on raconte qu'ils étaient tellement peu nombreux qu'on aurait pu les faire tenir dans une cabine téléphonique. Mais à l'époque, ma mère travaillait au cabinet de mon grand-père. Elle était copiste. Il n'y avait pas de photocopie. Donc, elle servait de photocopieuse manuelle, je dirais. Et elle était tellement impressionnée par toutes les informations qu'il fallait donner, sans conviction absolue que ça ne fonctionne. Et en fait, le peuple de l'époque se posait aussi des questions. Est-ce qu'il faut rendre à chaque personne ou est-ce qu'il faut rendre globalement? Et puis, il y avait aussi toutes les choses qu'on avait spoliées à ceux qui n'étaient plus là. Ouais. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'en Allemagne, 90% de la population juive a disparu pendant la guerre. Donc, c'était beaucoup de questionnements. Et je pense que mon grand-père, de ce que j'en ai compris, était tellement dans le travail acharné pour essayer de rectifier ce qu'il était possible de rectifier que je ne sais même pas s'il entrait dans ces débats. Ouais. On imagine avec son associé le travail de fourmi qu'ils ont fait et qu'il a fait jusqu'à sa mort. Ouais. Et c'est par ce travail donc qu'il a fait jusqu'à sa mort qu'il est déjà, et je reviens au titre de votre film, cet Allemand qui aidait les Juifs. Mais on termine cette émission en revenant au juste, Katia Chapoutier, parce qu'il y a cette grande question entourant votre grand-père. Était-il lui-même un juste? Un dernier extrait tiré de votre documentaire, votre cousin, qui raconte à votre mère qu'il est convaincu, lui, que votre grand-père savait en tout cas où se cachait son associé. I believe that Hans Ulmer knew very well where his partner was hiding. Micha pense que mon père savait peut-être quand même où il était caché. There must have been some intervention by somebody. Otherwise, he would not have been released immediately. And therefore, I believe... Parce que ce qui était curieux, c'était tout de suite après la guerre, je crois que mon père a fait 3 semaines de camp de prisonniers et que le docteur Ostertag est apparu et l'a fait sortir de ce camp, ce qui était absolument pas normal parce que normalement, ça durait beaucoup plus longtemps. Ce que dit Micha aussi, c'est que... Ton père l'a d'une certaine manière aidé. Oui. Et le fait que ton père ait été libéré comme ça, oui. C'est bien qu'il y a eu une intervention extérieure. Oui. Et donc il se dit que potentiellement, c'est le remerciement, la gratitude oui. de Dr. Ostertag oui. qui fait qu'il a aidé à libérer ton père. Ah, ça c'est sûr, oui. Ça c'est évident, oui. C'est évident. Tous les deux, ils étaient très liés et. Vraiment, il se donnait aide et assistance, oui. Alors, la grande question, Katia Chapoutier, votre grand-père était-il injuste? J'adore l'ironie de cette histoire du juif qui, à la fin de la guerre, va sortir un Allemand d'un camp de prisonniers. Ouais. Il y a forcément une information qui nous manque là-dedans. Alors, la question que soulève mon cousin, c'est qu'est-ce qu'il savait, qu'est-ce qu'il a fait, quelle a été l'activité de mon grand-père pendant cette période-là. Alors, suite à ce documentaire, j'ai eu des retours de gens d'Israël qui me disent « il faut savoir, il faut chercher ». Donc, j'ai commencé les recherches pour retrouver les descendants de Dr. Ostertag et pour trouver aussi des anciens clients de mon grand-père. Et j'espère pouvoir... avoir le fin mot de l'histoire. Ouais. Est-ce que mon grand-père a aidé Dr. Ostertag pendant la guerre? Mmh. Et je pense que ce serait un joli cadeau à faire à ma maman que de lui raconter la fin de l'histoire. Et une belle émission éventuellement pour nous, une autre histoire à venir nous raconter. Terminons, Katia, pour votre grand-père, mais si jamais il était reconnu juste, mais au-delà de votre grand-père, pourquoi, en quoi, cette reconnaissance des justes parmi les nations est importante? Parce que ça donne de la lumière et une dernière fois, j'en reviens au film Le Pianiste, quand dans l'horreur, tout à coup, on voit de l'humanité, il y a quelque chose d'absolument rassurant. Comme on le dit dans la religion juive, là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'être un homme. Et c'est tellement rassurant pour l'avenir et pour la suite des événements. Katia Chapoutier, journaliste, documentariste. Je rappelle le titre de votre documentaire radio sur votre grand-père, Hans Ulmer, L'Allemand qui aidait les Juifs. Un documentaire qui a été diffusé à France Culture et dont on mettra le lien. Vous pourrez, en consultant le site de l'émission Aujourd'hui l'Histoire, avoir accès au documentaire de Katia Chapoutier. Merci infiniment, Katia. Merci, au revoir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, stagiaire à la recherche Mohamed Al-Ghouri, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Louis-Pascal Loriot. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.